veux voir la vie du côté clair. Frère, je ne guette plus le son. En me rappelant que demain je ne serai peut-être plus de ce monde. Tout ça me paraît vide de sang, j'en ris des fois. Difficile de rester droit dans ce maudit jeu d'acteur. On devient aigri depuis que notre innocence a mis les voiles. Au fond de nos regards, les étoiles s'éteignent peu à peu. Mes démons baissent le ton dès que tu la tailles. Impuissant, je regarde le ciel me tomber sur la tête. Le doute m'a sauvé, moi qui voulais le faire taire. N'oublie pas que tu pourrais te faire baiser par des vrais frères. Entre nos souvenirs et nos peines, n'est-ce pas ces méfaits. On se rend compte que le sourire de nos mères n'est pas éternel. Escucha lo que digo, era joven pero el vicio me comió. No sé lo que quiero, mira lo que vivo. Camino sobre el fuego, perdóname Dios mío. Que la lumière brille, parfois j'ai plus d'air, j'pile. J'raconte des contes funèbres tristes. Ah ouais, j'suis pas Luther King, trop de tentacules. Le présent dépend tout le temps de l'accueil. Si tu calcules quand t'es prévenant, tu te prends tout dans la gueule. Hein, tant mieux si le fait qu'on te pousse te suffit. Moi j'analyse mes doutes, chacun sa route, sa trousse de survie. Nique les gens cupides, les discussions futiles. Tous ces bâtards qui t'utilisent car t'es utile. Messager de la lumière, même si de la peine j'ai pas fait le tour. J'rassemble parce que j'assène que le système j'suis pas fait pour. Nique la métastase, j'suis de ceux que le présage place. J'écris des phrases et l'important c'est que le message passe. Ole cholo, escucha lo que digo más alios. No me envío, tenemos corazón ricos. Dios mío, aquí la lista que te explico. Pacifista, anarquista como el Kiko. Pequeño comprendí el valor de la felicidad, estando libre pero preso en este sistema social, donde fácil es caerse en las garras del mal y difícil es salir ileso sin poder dañar a una familia que está detrás sin pagar el precio de las consecuencias de los actos, de los hechos, tratando de ser puros cada día en este mundo lleno de conjuros, consigue servir de ayuda a algunos y el tiempo ya dirá todo lo suyo. Y es que no hay vuelta atrás, yo te lo juro, que debes combatir con alma y puño por los tuyos. Se vienen tiempos duros y hay que luchar de seguro, y así generaciones por completa puedan romper ese muro y logren conseguir la libertad en su interior. Que eternamente viviré en la música lejos del lado oscuro, luchando para un mañana mejor.